什么褐色的龙心照看着你前你在那东西别龙心里面说的总念什么里路线在龙口自己没走放里口拍我脑中离开的纽约给你摆脱修了线来不及哥哥今天开心来不及这边就在这边sans couler des bras mes frères j'irai où tu iras Maurice sera toi j'irai où tu iras qu'importe la place qu'importe l'endroit je fais des coucous chez les plages chez des paniers sous le vent le feu du soleil au visage et le bleu de les océans je veux des chameaux des mirages et des déserts en temps des bonbons